Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ventre Saint-Gris. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, il est question de ventre, et plus précisément de ventrière. Quel étrange mot, ventrière. Les charpentiers qui nous écoutent savent qu'il s'agit d'une grosse pièce de bois dans l'assemblage d'une charpente. Les marins ou les ouvriers des chantiers navals, eux, savent qu'il s'agit de la pièce de bois concave sur laquelle on pose le navire avant son lancement. Et les passionnés d'équitation, de leur côté, diront que la ventrière est la courroie sous le ventre du cheval au moment de l'harnachement. Mais si quelques-uns de nos ancêtres nous écoutent de fort loin, de très loin, d'avant le siècle passé, avant même le 19e siècle, ils savent qu'une ventrière est une sage-femme du temps où celle qui pratiquait l'art de faire naître les enfants ne pouvait pas dire qu'elle formait une profession. Non, elle donnait la vie. Elles étaient alors matrones, levandières, accoucheuses et donc ventrières. L'art de l'accouchement est millénaire. Mais comment est-il devenu un enjeu sociale, voire politique? Partons à la rencontre d'Angélique Ducoudray, sage-femme et enseignante au XVIIIe siècle, avec l'historienne et enseignante d'aujourd'hui, Nathalie Sage-Franchère. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, quatre figures de l'histoire du soin et de la médecine, du neveu de Pasteur au père de Marcel Proust et d'Avicenne dans la Perse médiévale à Angélique Ducoudray, sage-femme, enseignante, comment se construisent ces destins consacrés aux soins. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion, des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, pour nous parler d'Angélique Ducoudray, vous êtes avec nous, Nathalie Sage. Sage-Franchère, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, archiviste, paléographe. Vous êtes alors l'auteur de deux thèses. Donc une thèse de l'école des Chartes intitulée « Mettre au monde sage-femme et accoucher en Corrèze au XIXe siècle ». Et puis une autre thèse, une thèse de doctorat en histoire, « L'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel 1786-1917 ». Une thèse dont vous avez fait un ouvrage publié aux presses universitaires. François Rabelais, dites-nous Nathalie Sage-Franchère, nous évoquons cette figure d'Angélique Ducoudray. Mais qui est-elle ? Angélique Ducoudray, c'est une grande sage-femme du XVIIIe siècle. Angélique Ducoudray, c'est véritablement la première figure de sage-femme enseignante à l'aura véritablement nationale pour la France du XVIIIe siècle. Des sages-femmes qui ont enseigné à peu d'élèves ou un peu plus, on en a eu avant. On a eu Louise Bourgeois, qui était sage-femme de la reine au XVIIe, Marguerite de la Marche à la fin du XVIIe siècle, qui est à l'office des accouchés de l'Hôtel Dieu. Mais Angélique Ducoudray, c'est véritablement la sage-femme qui va aller former d'autres sages-femmes sur l'ensemble du territoire, près de 5000 en une trentaine d'années d'itinérance dans les différentes provinces françaises. Angélique Ducoudray est une femme qui est connue au XVIIIe siècle. On sait qui elle est parce que elle traverse la France et puis elle a un rôle majeur, hein, un rôle d'enseignement. C'est toujours étonnant d'imaginer que pour un métier, en tout cas pour quelque chose qui est millénaire, mettre au monde des enfants, il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'il y ait une professionnalisation. Malgré tout, j'imagine qu'avant, il y avait déjà la volonté d'apprendre à des femmes l'art d'accoucher. Alors, il existe évidemment, avant le XVIIIe siècle, tout d'abord des structures de formation. La France compte, depuis le XIVe siècle, la principale, voire la seule école de sages-femmes européenne, qui est à l'office des accouchés de l'Hôtel Dieu de Paris. Au-delà, il y a une transmission interpersonnelle qui se fait de sages-femmes à élève sage-femme, apprenti sage-femme, tout au long des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Mais il faut noter que, à partir du début du XVIIIe siècle, une inquiétude populationnelle se fait jour dans le royaume de France. Montesquieu, dans ses lettres persanes, fait dire à ses persans que le monde est en état de langueur, que le nombre d'habitants semble se réduire. Et très rapidement, cette réduction du nombre d'habitants, on va l'associer à une moindre qualité des sages-femmes, au fait que ces matrones peu formées seraient au fond des dangers pour la population. Et c'est à partir de cette période-là que la volonté de former de plus en plus de sages-femmes pour finalement sauver les mères et les enfants va se faire jour. et on la voit mise en œuvre à partir des années 1750, Angélique Ducoudray étant la première grande figure de cette politique de formation des accoucheuses. Nathalie Sage-Pranchère, il faut le rappeler, c'est un métier vraiment féminin, c'est un acte qui est toujours fait par des femmes, aidées à accoucher. Comment se construit en fait, alors on ne peut pas encore parler de profession de sage-femme, comment se passe l'organisation? Vous êtes une femme enceinte au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, qui vous accouche? Bon, déjà j'imagine que cela varie énormément selon les situations sociales et puis aussi selon la géographie, si on est en ville ou en campagne. Alors évidemment, les femmes sont les principales auxiliaires de la naissance. Elles sont ultra majoritaires, évidemment, dans l'expérience des femmes de la France des XVIIe, XVIIIe siècles et plus largement de l'Europe. On voit néanmoins apparaître quelques hommes, quelques chirurgiens qui vont petit à petit se spécialiser dans les accouchements, mais peut-être l'évoquerons-nous de nouveau. Alors lorsqu'on est enceinte à l'époque moderne dans le royaume de France, on reçoit au moment de l'accouchement l'aide effectivement d'autres femmes. Ces autres femmes peuvent être d'une certaine manière spécialisées parce qu'elles ont eu beaucoup d'enfants et parce qu'elles font fonction, et c'est un terme qui me semble très important pour cette époque, la fonction de l'accompagnement. Elles font fonction d'aide pour la naissance. On va les appeler sages-femmes parfois, on va les appeler matrones. Il y a toute une série de mots qui sont utilisés. Et ces femmes peuvent être de la famille, ça peut être des voisines. Elles vont être présentes auprès des femmes pendant toute la durée du travail et pendant les jours en général qui suivent la naissance pour aider la jeune accouchée. Dites-nous, Nathalie Sage-Pranchère, il y a un regard médical, évidemment, sur l'accouchement. Ce regard médical est distinct de la pratique même du moment où une femme va aider l'enfant à sortir. Comment se construit, en fait, ce dialogue, s'il y a dialogue entre les médecins et les sages-femmes? Alors, de manière intéressante, c'est même une troisième catégorie de soignants qui intervient dans cette affaire, puisque ce sont les chirurgiens. Il faut rappeler qu'à l'époque moderne, on a d'un côté les médecins qui sont formés dans le cadre d'écoles ou de facultés et qui ont une approche relativement théorique, fondée sur la doctrine hippocratique du soin. Et puis, en parallèle, on a les chirurgiens qui, évidemment, se sont éloignés au fil du temps de la corporation des barbiers chirurgiens. Et les chirurgiens, eux, vont intervenir beaucoup plus sur le corps. Et parce qu'ils interviennent sur le corps, parce qu'ils ont accès à des instruments tranchants, on va les retrouver dans le champ de l'obstétrique, à laquelle ils vont beaucoup s'intéresser. Et l'obstétrique va être une sorte de tremplin. Alors on a finalement un dialogue qui petit à petit se construit entre chirurgiens d'un côté, qui veulent se réserver les interventions actives sur le corps de la femme, le recours aux instruments, et d'autre part des sages-femmes que l'on souhaite plutôt cantonner dans le champ des interventions manuelles. Les chirurgiens sont d'ailleurs ceux dont la corporation va encadrer les sages-femmes, en tout cas dans des grandes villes comme Paris, à partir du début du XVIIIe siècle. Oui, parce que à la campagne, j'imagine bien que ce sont des relations de proximité, des connaissances, voire des relations de famille, hein, qui vont guider une femme vers une autre femme qui doit accoucher. Ce sont des gens qu'on connaît, en fait, c'est juste de la pratique. Et puis, il y a aussi la proximité, hein, qui est nécessaire pour expliquer pourquoi une femme vient aider une autre femme. Il apparaît très clairement que la proximité compte, que la confiance des liens noués dans d'autres contextes va compter énormément dans le choix qu'on fait de la personne à qui on fait appel. Et cela se poursuit d'ailleurs bien au-delà de la période moderne, au XIXe siècle et même encore au tout début du XXe siècle. On trouve des femmes qui témoignent du fait qu'elles vont avoir recours plutôt à une voisine, qui n'est pas forcément une sage-femme officielle, mais en qui elles ont confiance, ou à une femme de leur famille au moment de l'accouchement. Donc la question de la confiance joue un rôle considérable. Le grand tournant du XVIIIe siècle, ça va être de faire entrer petit à petit dans les mentalités l'idée que, à cette confiance, à ce lien interpersonnel, il faut ajouter un savoir, une science et une pratique. Oui, ça c'est une véritable rupture dans l'histoire de l'art de l'accouchement. Je vous propose, Nathalie Sage-Pranchère, d'écouter la lecture d'un extrait d'un traité d'accouchement, donc qui date de la fin du XVIIe siècle, un traité d'accouchement de Mauquez de la Motte, qui nous est lu par Jean-Luc de Baptiste dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le 21 novembre de l'année 1700, je fus mandé pendant la nuit pour aller à la paroisse de Montaigu, accoucher une très pauvre femme qui était en travail depuis 2 jours. Je trouvai l'enfant qui présentait les pieds et la tête également avancés, ce qui avait fait croire à la sage-femme qu'elle n'avait qu'à travailler à élargir le passage et qu'aussitôt la tête sortirait, d'autant que les douleurs de la femme, qui étaient fortes et redoublées, semblaient devoir beaucoup contribuer à la faire promptement accoucher. Ce fut aussi à quoi elle s'employa de son mieux. Mais ce fut en vain qu'elle déchira toute cette pauvre femme, à qui je trouvai les grandes lèvres prodigieusement enflées par les violences qu'elle y avait faites, aussi bien qu'aux nymphes, au clitoris et à la fourchette, qui étaient toutes dilatées, sans qu'elle eût pu faire avancer la tête en aucune manière. La matrice s'était tellement resserrée et si étroitement appliquée sur l'enfant depuis le temps que les eaux étaient écoulées, joint aux violentes et continuelles douleurs que cette pauvre femme souffrait depuis le commencement de son travail, qui augmentait encore sitôt que je lui touchais, que je me vis à bout. Extrait du traité d'accouchement de Moquès de Lamotte. Dites-nous, Nathalie Sage-Franchère, nous entendons, alors le vocabulaire est très cru, très médical, nous sommes éloignés en fait avec ces traités médicaux de la réalité de ce qui peut se passer dans la chambre quand une femme vient aider une autre femme à donner la vie. Alors ce qui est intéressant avec le texte de Moquès de Lamotte, c'est que on est dans la transcription lisible par des confrères, d'autres accoucheurs ou des médecins, d'une réalité très quotidienne, d'une pratique très quotidienne. Moquès de Lamotte, c'est un cas, alors que j'ai tendance à considérer comme un peu exceptionnel, d'accoucheur qui a véritablement fait de l'obstétrique une dimension majeure de sa pratique, en Normandie, puisqu'il est de Valognes, à la fin du XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe. C'est une figure qui va construire son traité à partir de cas très concrets, qui va leur donner évidemment une coloration médicale, puisque quand il retranscrit à l'écrit, il fait cette transmutation-là, mais qui s'appuie sur une pratique réelle. Et donc, évidemment, Moquès de Lamotte va plutôt nous décrire des cas difficiles, des cas tragiques, des cas qui tournent mal, puisque c'est dans ces cas-là qu'on va faire appel à un chirurgien, tandis qu'évidemment, quand l'accouchement se passe bien, on va plutôt faire appel, évidemment, à une auxiliaire féminine, et si les choses se déroulent bien jusqu'au bout, on ne fait pas appel à quelqu'un d'autre. Nathalie Sage-Franchère, justement, se pose la question des sources. Vous venez de l'évoquer, et c'est souvent le cas en histoire. Nous avons des sources quand les choses se passent mal ou quand elles sont exceptionnelles. Pour faire l'histoire de l'accouchement, donc hors de l'exceptionnel, qu'a-t-on comme source? De quoi disposez-vous comme documentation? Alors pour réussir à faire l'histoire de ces naissances finalement ordinaires, il existe donc des sources qui sont très différenciées selon les périodes. D'une certaine manière, la démographie historique nous apporte une source qui est très sérielle, mais qui est l'étude tout simplement de l'état civil, qui nous permet de voir, enfin de l'état civil enregistré à l'époque par l'Église, qui nous permet de voir finalement le nombre de morts, le nombre de femmes qui survivent aux accouchements, le nombre d'enfants qui survivent. Et rien que cela nous permet finalement de voir que la majorité des naissances, globalement, se passent bien, même si chaque femme a entre 1 et 1,5% de risque de mourir par accouchement. Ce qui, cumulé évidemment, finit par faire beaucoup à partir d'un certain âge. Donc on a d'abord ces sources continues là. On a, au-delà effectivement de l'extrait qu'on a pu entendre, dans le texte de Moquès de Lamotte, des descriptions aussi d'accouchements qui se passent bien. On a, pour le 18e, certains auteurs aussi qui décrivent avec émerveillement des accouchements naturels, où la nature finalement fait tout et l'accoucheur se contente de regarder. Pour les périodes suivantes, il peut être intéressant aussi de s'appuyer sur les registres des hôpitaux. Et j'ai en tête un cas un petit peu à part peut-être d'accouchement dans le registre de l'hôpital de Tulle au milieu du 19e siècle. L'accoucheuse en chef de la maternité a ressenti le besoin de noter à côté du nom d'une accouchée, accouchée sans douleur. Et on touche là finalement à des accouchements qui ne sont pas ces accouchements catastrophes que se plaisent à décrire les chirurgiens ou les intendants dans la seconde moitié du 18e siècle. Dans l'étude des accouchements que vous faites, Nathalie Sage-Pranchère, il y a donc cette révolution que l'on peut identifier au XVIIIe siècle, quand la nécessité de former les sages-femmes devient une évidence. Alors, vous l'avez évoqué parce qu'il y a une crainte de dépopulation de la France, des réflexions comme ça, très générales. Et puis, vous venez aussi de le souligner, et ça c'est très important, c'est parce que il y a cette double mortalité ou double risque de mortalité au moment de l'accouchement. D'un côté la maman et de l'autre côté les enfants. La mortalité est très forte pour les enfants aussi. Alors la mortalité, elle reste effectivement très élevée. On peut avoir encore au tournant des 18e et 19e siècles, dans certaines localités, plus de 400 enfants qui vont mourir sur 1000, qui vont mourir avant l'âge de 1 an. Et avec une mortalité qui est très largement concentrée effectivement pendant les premières semaines après la naissance. Donc la mortalité infantile est très importante. Parallèlement, la mortalité maternelle devient là aussi de moins en moins acceptable. On s'aperçoit que le XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle où la mort des enfants devient de moins en moins acceptable à la naissance, là où auparavant, et c'est très bien montré par Jacques Gélis, on les dépose dans des sanctuaires à répit quand ils sont morts-nés, dans l'espoir qu'ils revivent un instant pour les baptiser. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on fait appel à des chirurgiens et des médecins pour essayer de les réanimer. Donc on a un basculement qui se crée à ce moment-là et finalement qui s'inscrit dans cette nouvelle sensibilité vis-à-vis de l'existence, ce que Jacques Gélis appelle une nouvelle conception de la vie qui traverse l'Europe du XVIIIe siècle. Et qui explique aussi cet intérêt profond pour la formation des sages-femmes. Parmi tous les ouvrages qui sont publiés au XVIIIe siècle, justement, alors plutôt deuxième XVIIIe siècle, année 1760, sur tous les enfants, sur la santé des enfants, il y a cet ouvrage majeur, mais c'est celui de Rousseau, c'est Émile, ou de l'éducation. Le regard des philosophes aussi porté sur l'enfance peut expliquer l'intérêt que l'on a à former des sages-femmes dans ce XVIIIe siècle qui nous intéresse aujourd'hui. Il est très clair que le regard porté sur l'enfant, et particulièrement le petit enfant, l'enfant encore à la mamelle, est véritablement central finalement dans cet intérêt plus général qui est porté à la formation des sages-femmes. Et vous évoquiez Rousseau, il est très intéressant de voir les échanges finalement entre des écrits comme l'Émile et la formation des sages-femmes, puisque au XIXe siècle, et j'ai en tête l'école d'accouchement de Grenoble, on fait copier des extraits de l'Émile aux élèves sages-femmes, en particulier tout le passage concernant l'emmaillotement. Et le fait qu'il ne faut pas laisser des épingles qui pourraient faire mal aux enfants. Donc il y a finalement une circulation de ces écrits savants, philosophiques, et parallèlement finalement de la formation beaucoup plus concrète des sages-femmes. Nathalie Sage-Pranchère, pour compléter le tableau de ce monde de l'accouchement au XVIIIe siècle, je voudrais vous poser la question aussi des maternités, parce que dans notre monde actuellement, c'est une évidence, hein, c'est la maternité. Est-ce que la notion même de maternité existe au XVIIIe siècle, un endroit où l'on va pour accoucher ? Alors, ça existe, mais ça existe très peu. En fait, on a peu de maternités à l'échelle de la France. Il en existe une à Paris, c'est l'office des accouchés de l'Hôtel Dieu, qui reçoit traditionnellement depuis la fin du Moyen-Âge des femmes en couche. Mais c'est vraiment un cas tout à fait à part à l'échelle nationale. Il y a d'autres espaces qu'on va appeler des gésines, qui sont souvent des pièces réservées à l'intérieur des hospices. Je pense en particulier à la gésine de l'Hôtel Dieu de Rouen. Mais évidemment, ces institutions reçoivent très peu de femmes en couche parce que accoucher hors de chez soi correspond en fait à une marginalité sociale. Quand on accouche hors de chez soi, c'est qu'on ne peut pas accoucher chez soi. C'est soit qu'on est trop pauvre pour pouvoir accoucher dans l'espace où on vit, soit qu'on est dans une situation de marginalité conjugale et que donc on est une fille-mère, telle qu'on les appelait à l'époque, qu'il faut finalement aller se réfugier dans cette gésine hospitalière. Une fille mère, une fille qui n'est pas jugée sage, parce que le français a cette magie que l'ordre des mots est important. Une sage-femme n'est pas du tout la même chose qu'une femme sage. Et justement, je vous propose, dans le cours de l'histoire sur France Culture, d'écouter Jeanne Moreau qui nous rappelle qu'on dit que je ne suis pas sage. On dit que je ne suis pas sage, que mes dents sont bien aiguisées, mes amants comme des voyages. montrait souvent dépaysée à des rencontres, à des regards. Je n'ai jamais su résister les jeux que m'offrait le hasard. Je n'ai pas su les refuser. Je ne suis pas comme le marbre. À la terre je suis attachée comme les racines de l'arbre. Accepterez-vous mon passé? Parfois même j'ai provoqué avec un tel détachement des aventures si compliquées que j'en oubliais mes amants. Je dois vous paraître cynique, pourtant mon cœur y fut blessé. J'ai malgré moi pris au tragique beaucoup d'adieux que j'ai souhaités. Je ne suis pas comme le marbre. À la terre je suis attachée comme les racines de l'arbre. Accepterez-vous mon passé? Mes doigts, mes mains, paumes ouvertes, tous les mots que j'ai murmurés, mes lèvres si souvent offertes, m'ont tant donné le goût d'aimer. J'ai toujours peur de ce mystère, j'en suis toujours terrorisée, toujours prête pour cette guerre. Derrière des baisers, je ne suis pas comme le marbre. À la terre je suis attachée comme les racines de l'arbre. Accepterez-vous mon passé? Nous ne dirons jamais toujours, nous irons à la découverte. Le temps nous semblera très court, toutes les portes sont ouvertes. Je ne serai plus de passage. J'ai visité tant de pays, je me donne à vous comme gage. Si pourtant vous m'avez choisi. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'était Jeanne Moreau dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Thibaut Nassimben. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux sages-femmes au XVIIIe siècle, un moment particulier où la professionnalisation de ce métier essentiel devient une évidence, avec notamment la figure d'Angélique du Coudray. Dites-nous Nathalie Sage-Pranchère, Angélique du Coudray est une femme, vous nous l'avez rappelé, qui est essentielle dans ce monde qui nous intéresse, celui de l'art de l'accouchement. D'où vient-elle, Angélique du Coudray? Tout de suite, nous entendons un nom qui est clinquant. Du Coudray, en fait, non, pas du tout. Hein. C'est toujours cette illusion des particules qui nous fait penser à la noblesse. Qui est-elle? D'où vient-elle? Alors, Angélique du Coudray, à l'origine, c'est une Auvergnate. Il est probable qu'elle soit née à Clermont-Ferrand au début des années 1710. Jacques Gélis propose 1712 pour sa naissance. Elle va monter, se former à Paris, et on a là l'impression de voir finalement un peu en avant cette espèce de mouvement de la montée des provinciaux vers la capitale. À Paris, elle se forme auprès d'une sage-femme jurée parisienne, c'est-à-dire une sage-femme qui est enregistrée auprès du Châtelet de Paris. Et elle va se former pendant 2 ans, entre 1737 et 1739. Et au début du mois de février 1740, elle se fait elle-même recevoir, comme on le dit, examiner devant le Châtelet de Paris pour devenir à son tour sage-femme jurée. Alors, par la suite, Angélique du Coudray s'installe et reste à Paris. Elle exerce pendant une quinzaine d'années. Et visiblement, elle réussit à se faire une clientèle assez aisée. On sent que c'est quelqu'un qui a d'ores et déjà établi des contacts avec les milieux de la bonne bourgeoisie parisienne, voire de la noblesse de robe, dès ces années 1740, début des années 1750. Mais comment expliquer qu'elle ait fait ce choix en quittant son Auvergne natale? Elle vient d'un milieu où il y avait des prédispositions? C'est un milieu où il y a déjà des sages-femmes? Alors, l'origine précise et familiale d'Angélique Ducoudray est assez obscure. Ce qu'on note effectivement, et ça on l'observe par la suite, c'est que la profession d'accoucheuse, quand elle peut justement passer par une véritable formation et une agrégation à un corps constitué d'une certaine manière, est une profession honorable pour une femme. Et il y a, pour le coup, à l'échelle de la France, de grands précédents avec la figure des sages-femmes de la reine ou les sages-femmes des princesses du sang. Mais effectivement, on ne sait pas tellement d'où vient Angélique Ducoudray du point de vue social. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que elle va effectivement faire de son savoir le support d'une véritable carrière et du développement, finalement, d'un certain prestige social tout au long des années, donc 1750, 60, 70. Nathalie Sage-Pranchère, une sage-femme donc à Paris dans ces années 1760, ben vous voyez, on retombe toujours sur ces ouvrages qui questionnent le soin à l'enfance avec notamment l'Émile de Rousseau. Une sage-femme dans le Paris de ces années-là peut espérer s'enrichir. C'est un métier, alors si l'on est reconnu, j'imagine, si l'on a accès à une clientèle fortunée, on peut espérer s'enrichir. En tout cas, est-ce que Angélique Ducoudray, elle, arrive à se faire reconnaître et puis à vivre en tout cas de ce métier? Alors Angélique Ducoudray vit très clairement plutôt bien de son métier. Elle fait partie de ces sages-femmes parisiennes qui ont réussi à se faire une clientèle tout à fait, fortunée. Angélique Ducoudray, visiblement, elle a d'ores et déjà des liens qui lui permettent de s'approcher, si ce n'est directement des milieux de cour, sans doute probablement déjà des milieux parlementaires ou des milieux des différentes cours souveraines. Ce qui explique probablement qu'elle obtienne par la suite des soutiens assez importants tout au long de sa carrière, jusqu'à des figures comme Necker, qui va la soutenir dans les années 1780. Et dès lors, Angélique Ducoudray est une femme repérée. Alors, elle est repérée aussi, sans doute, parce que elle fait un métier qui est un métier à risque, hein, tant pour la maman que pour l'enfant, et elle le fait bien. Il y a aussi sans doute ça qui fait que Angélique Ducoudray se distingue de ses collègues. Alors, il apparaît sans aucun doute qu'Angélique Ducoudray est une très bonne sage-femme. Et c'est probablement pour cela qu'elle est contactée en 1755 par le seigneur de Thiers, donc en Auvergne, qui lui demande expressément, alors probablement en échange d'une rémunération tout à fait confortable, de venir faire la sage-femme dans sa seigneurie. Elle semble ne pas avoir hésité longtemps à revenir dans cette région. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans l'introduction de son abrégé de l'art des accouchements qu'elle publie en 1759. Et finalement, ce retour dans l'Auvergne natale va être le point de départ de sa carrière ultérieure, puisque si elle était probablement restée sage-femme parisienne, elle aurait continué son exercice auprès de familles plus ou moins aisées. Là, véritablement, elle va y découvrir une vocation pédagogique dans cette seigneurie de Thiers, auprès de ces femmes d'abord de la campagne qu'elle va assister, et puis au-delà, auprès de ces matrones rurales qu'elle découvre et dont elle découvre surtout la grande ignorance en matière d'anatomie et de fonctionnement de l'accouchement. Alors là, il faut nous expliquer, Nathalie Sage-Pranchère, parce que c'est fascinant hein, ce qui se passe à ce moment-là avec ce personnage d'Angélique Ducoudray qui prend conscience en fait que les femmes qui aident à accoucher ne sont pas formées, qu'elles ont parfois les mauvais gestes, les mauvais réflexes, et donc elle décide de mettre en place une formation. Donc comment s'organise cette formation ? Angélique Ducoudray va pas mal réfléchir à la meilleure manière de former ces femmes. Dans un premier temps, elle a tendance à aller vers elles visiblement avec un vocabulaire assez scientifique, ça ne fonctionne pas tellement au départ. Et puis très rapidement, elle comprend que l'enjeu c'est véritablement de leur montrer de manière très concrète ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et elle va s'appuyer sur un mannequin, un fantôme, comme on l'appelle à l'époque, ou une machine de son invention. Machine probablement inspirée de mannequins qu'elle a pu voir dans le Paris des années 1730-1740, qui est en fait un tronc de femmes, donc qui commence au niveau de la taille et qui se poursuit jusqu'au milieu des cuisses, qui va permettre en fait de démontrer au sens propre la manière dont se déroule l'accouchement, avec par ailleurs une petite poupée figurant un fœtus à terme, et puis deux autres petites poupées qui figurent des jumeaux à 7 mois de grossesse, la présence aussi donc du placenta. Et on a là un objet qui est encore conservé, donc en tout cas dont le prototype est encore conservé au musée Flaubert d'histoire de la médecine de Rouen, qui est un objet absolument fascinant et qu'elle met au point et qui va être le support en fait de toute sa vocation pédagogique pendant les décennies suivantes. Oui, c'est un mannequin en tissu en fait, c'est un mannequin en coton et qui reproduit l'anatomie, donc ce que peuvent voir les femmes qui vont aider à accoucher. Donc c'est des demi-cuisses en fait et puis tout le bas du ventre. Tout à fait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que comme justement le bassin en fait est figuré donc à l'intérieur de ce corps qui est restitué par du tissu et un rembourrage, finalement les élèves sages-femmes d'Angélique Ducoudray vont pouvoir aller se former presque comme au naturel, comme dans la réalité, puisque elles ne voient pas fondamentalement l'intérieur du corps. Et qu'elles vont donc être amenées à apprendre à repérer la position de l'enfant, au besoin pratiquer une version de l'enfant pour le remettre dans une bonne position. Donc il y a vraiment une attention à tous les détails qui permet d'améliorer finalement la formation au-delà d'une simple transmission théorique de connaissances. Oui, parce que la connaissance théorique était là depuis longtemps, et c'est vrai que dans les ouvrages, il y a des planches anatomiques, il y a des dessins, mais enfin, ces ouvrages n'étaient pas destinés à celles qui en avaient le plus besoin. Là, on sent qu'il y a une volonté d'être au plus près des gens concernés, et presque, j'ai envie de dire, une rupture sociale, en fait, entre le savoir qui jusqu'alors était cantonné dans des livres et réservé à des hommes, et puis ce que propose Angélique Ducoudray, qui sort des livres et qui est accessible directement aux femmes qui en ont le plus besoin. Alors, Angélique Ducoudray, c'est vraiment le symbole d'une vulgarisation pédagogique. Vulgarisation pédagogique qui s'appuie néanmoins aussi sur l'objet livre, puisqu'elle publie donc en 1759 son abrégé de l'art des accouchements, qui contient lui-même toute une série de planches. Donc c'est quelqu'un qui sait s'adapter finalement aux différents niveaux potentiels de ses élèves, dans les espaces urbains, élèves qui pourraient peut-être savoir lire, dans tous les cas, élèves qui pourront se référer aux planches présentes dans son petit manuel, et parallèlement, évidemment, pour toutes, l'accès à la formation pratique sur le mannequin. Donc il y a véritablement la volonté d'abord de rendre accessible un savoir livresque qui jusqu'à présent existait sous la forme de traités très savants, très importants, donc le rendre accessible à ses élèves, et d'autre part le combiner donc avec cette technique de démonstration. Alors justement, en écho à ces cours d'Angélique Ducoudray, je vous propose la lecture par Daniel Königsberg d'une lettre, une lettre de Turgot, alors intendant du Limousin, à un autre intendant, celui de Bordeaux. C'est le 6 décembre 1763. Je vous envoie les différents imprimés qui concernent le cours d'accouchement de Madame Ducoudray. Je crois son travail extrêmement utile et sa manière d'enseigner la seule qui soit à la portée des femmes de la campagne. Vous trouverez peut-être sa personne assez ridicule par la haute estime qu'elle a d'elle-même, mais cela vous paraîtra, comme à moi, fort indifférent. L'essentiel est qu'elle donne des leçons utiles, et je crois que les siennes le sont beaucoup. Son séjour dans la province est un peu cher, car je lui donne 300 livres d'appointements par mois, non compris les frais de voyage et de transport des mâles. Je lui fais aussi fournir par les villes le logement, le bois, la chandelle et les ustensiles de ménage. Ajoutez à cela l'achat de quelques-unes de ces machines afin de pouvoir établir des cours perpétuels dont je chargerai quelques chirurgiens. Je compte que tout cela coûtera la province environ 8000 livres, mais je les crois bien employés. Les paroisses ont envoyé plus d'élèves que je ne l'espérais. Elle en est à son 3e cours et en fera encore plus d'un. Je n'imagine pas qu'elle puisse avoir fini dans cette province avant la fin du printemps. Une lettre de Turgot, l'intendant de Limousin, à l'intendant de Bordeaux en 1763, lue par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire sur France Culture, où nous nous intéressons à Angélique Ducoudray avec Nathalie Sage-Pranchère. Dites-nous, Nathalie Sage-Pranchère, cette lettre de Turgot est intéressante, hein, déjà parce que elle montre que les élites regardent ce que pouvait faire cette femme, Angélique Ducoudray. Alors, elle est très intéressante, cette lettre, parce que elle combine finalement deux réalités. À la fois la conviction très profonde de ces élites royales du XVIIIe siècle de la nécessité d'enseigner. Ces élites pensent nécessaire de former des sages-femmes. Elles mettent tout en œuvre pour le faire. Elles reconnaissent à Angélique Ducoudray une parfaite compétence dans son domaine. Et en même temps, transparaît un mépris de classe considérable. Mépris de classe et probablement aussi mépris de genre, puisqu'on va parler de la personne assez ridicule d'Angélique Ducoudray. Et ces remarques-là, on va les retrouver dans d'autres écrits. Hein. Le subdélégué d'Angoulême qui écrit quelques mois plus tard à Bordeaux va lui-même avoir ces mêmes remarques. Il va parler de la vanité de Madame Ducoudray, du fait qu'elle recherche les éloges, les honneurs. Il a d'ailleurs cette formule assez extraordinaire, quiconque ne lui rend pas de semblables hommages ne passe dans son esprit que pour un automate n'ayant d'humain que la figure. Donc on a finalement des hommes qui appartiennent à ces élites, qui sont convaincus de la nécessité de ce qu'ils font, mais qui sont quand même assez contrariés au fond d'avoir à le faire avec une femme qui, elle, ne cède pas un pouce de terrain sur la question de sa propre compétence et de la reconnaissance qui doit aller avec cette compétence. Alors là, c'est un point essentiel, la nécessité de reconnaissance de la compétence, et qui dit reconnaissance de la compétence dit évidemment rémunération. Il y a aussi de ça chez Angélique Ducoudray, c'est-à-dire que nous avons une femme qui sait ce qu'elle veut. Alors elle sait faire les choses, elle détient un art, celui d'accoucher puis celui d'enseigner, ce qui n'est pas simple, mais aussi elle sait ce qu'elle veut, elle est consciente de sa position sociale. C'est quelqu'un qui est conscient de sa valeur, effectivement, de sa valeur professionnelle et de sa valeur pédagogique. Et à partir de ce moment-là, dans la mesure où elle a obtenu, dès les années 1750, un brevet royal qui lui permet d'exercer finalement son enseignement dans n'importe quel point du royaume, c'est-à-dire de ne pas être en butte à l'hostilité d'éventuelles communautés de chirurgiens locaux qui considéreraient qu'elle empiète sur leur plate-bande. Dès lors que Angélique Ducoudray a cette reconnaissance-là, elle part du principe qu'elle doit être traitée à la hauteur de ses qualités. Donc elle exige d'être correctement logée, nourrie, blanchie, éclairée pendant ses séjours. Elle exige de pouvoir s'installer et se mettre en place pendant une quinzaine de jours avant de commencer ses cours, d'avoir 15 jours de repos à la fin de ses cours, de pouvoir se déplacer avec une voiture, alors c'est précisé, qui est traînée par 4 chevaux. Elle exige qu'on lui achète un certain nombre d'exemplaires de ses ouvrages avant le début du cours pour imposer qu'il soit distribué aux élèves. Et là aussi, dans chaque espace où elle va se retrouver à faire cours, dans chaque ville, elle demande que un mannequin de son invention soit acheté pour que elle n'ait pas finalement à fonctionner uniquement avec son propre matériel de démonstration. Donc c'est quelqu'un qui mène de ce point de vue très bien sa barque. Et cela contrarie parfois dans certaines intendances qui essayent finalement de réfléchir à la manière de pouvoir prolonger le bénéfice des cours d'Angélique Ducoudray sans lui faire appel de nouveau, donc de faire former des chirurgiens pour ne pas refaire appel à Madame Ducoudray, dans la mesure où ils trouvent quand même qu'elle coûte un peu cher finalement à chacun de ses passages. Oui, et puis c'est une vie absolument incroyable, celle d'Angélique Ducoudray, qui parcourt la France, qui se déplace sans cesse, et puis qui apprend à toutes ces femmes comment l'on fait naître des enfants. Écoutez, Nathalie Sage-Pranchère, je vous propose quand même de porter un autre regard, celui du papa. Oui, si il le faut quand même aujourd'hui dans le cours de l'histoire. C'est un regard avec Grand Corps Malade qui chante définitivement. Pas encore arrivé. Avec ta mère, on s'impatiente. Elle commence à fatiguer et puis faut voir l'état de son ventre. Pareil que tu te caches là-dessous, on communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups, j'ai tes mouvements, tu as mes sons. Bah ouais, ça nous pendait au nez, faire un enfant, c'était de notre âge. Et puis à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là, mais déjà je vois beaucoup de choses différemment. Tu vas bousculer ma vie, définitivement. J'ai pas encore la tête que t'as, mais déjà je te trouve beau gosse. Je voudrais t'avoir au creux de mon bras et caresser tes premières bosses. J'aimerais t'acheter ton premier jean et ta première paire de baskets. J'ai même envie de changer tes couches, enfin ça changera peut-être. Je peux pas encore tout te raconter, là quand je te parle, ta mère écoute. Mais t'inquiète, dès que tu seras né, on aura nos secrets, tu t'en doutes. Je t'apprendrai même à faire des blagues, et si jamais on se fait griller, toi tu diras que c'est de ma faute. Moi je dirais que c'est toi qui as eu l'idée. J'ai déjà la rage contre tes profs quand ils donneront trop de devoirs. Si t'as des mauvais points de conduite, ce sera pas vraiment un hasard. Je t'engueulerai quand même pour la forme, mais au fond de moi, évidemment, je serai de ton côté. Définitivement. Définitivement par Grand Corps Malade dans le cours de l'histoire sur France Culture avec Nathalie Sage-Franchère, où nous partons à la rencontre d'une figure, une figure importante du XVIIIe siècle, celle d'Angélique Ducoudray, une femme qui est sage-femme, mais qui est enseignante. Et c'est sans doute là sa prouesse. Angélique Ducoudray réussit à professionnaliser le métier de sage-femme, parce que sage-femme existe depuis des millénaires, évidemment, au sens où une femme vient aider une autre femme à accoucher. Mais là, c'est cette professionnalisation qui est importante avec Angélique Ducoudray. Ce qui est extraordinaire, finalement, dans l'aventure d'Angélique Ducoudray, c'est que elle obtient que chacun de ces cours débouche sur la délivrance d'un certificat. Et qui dit délivrance d'un certificat dit d'ores et déjà logique diplômante et dit d'une certaine manière possibilité d'exclusivité d'exercice. Alors évidemment, l'exclusivité de l'exercice, elle ne sera acquise qu'au début du 19e siècle, mais dans cette logique finalement d'une formation extrêmement étendue, on voit pointer cette idée que le corps professionnel des sages-femmes est en train petit à petit de se constituer et que peut-être dans les décennies suivantes ne pourront plus exercer que les femmes qui auront bénéficié d'un enseignement, qu'il soit d'Angélique Ducoudray ou d'un des chirurgiens qu'elle a formé par la suite. Et cette logique d'enseignement, de professionnalisation, de certification, elle la transmet à une femme qui est extrêmement proche d'elle, qui est sa nièce, Marguerite Guillemans, qui va, quand elle se mariera, s'appeler Marguerite Coutenceau. Et on retrouve chez cette figure de Marguerite Coutenceau, qui est l'une des seules sages-femmes à continuer à avoir le titre de professeur d'accouchement jusque assez tard dans le XIXe siècle, cette logique de la certification, on la retrouve. Marguerite Coutenceau aura à cœur, pendant toute sa carrière, de faire de l'examen de ses élèves une grande cérémonie, donc elle exerce à Bordeaux, elle fait venir le préfet, elle fait venir les élites locales, et elle exige la présence de ces élites pour mettre en scène cette cérémonie finalement de transmutation de l'élève en véritable professionnel, avec des remises des prix à l'issue de la cérémonie. Et par la suite, elle fait publier les comptes rendus de ses examens. J'aime beaucoup, Nathalie Sage-Franchère, cette évocation en fait entre la tante Angélique Ducoudray et puis la nièce Marguerite Coutenceau qui dépasse les régimes politiques, hein, parce que nous étions au XVIIIe siècle et puis avec Marguerite Coutenceau nous nous trouvons au début du XIXe, la révolution est passée par là, mais en vérité les régimes politiques n'ont rien à faire dans cette histoire ou de manière marginale, parce que le problème de l'accouchement dépasse ces questions-là. Et puis j'ai envie de dire même, elles sont beaucoup plus lointaines. Ces questionnements-là nous conduisent à la réflexion même de regard porté sur la femme dans les sociétés. Je vous propose d'écouter un entretien réalisé en 1974 par Jacques Chancel. Jacques Chancel discutait avec Jacqueline Manicomme, une sage-femme guadeloupéenne, et nous voyons bien qu'il y a encore en 1974 des échos en fait au passé sur l'importance du rôle d'une femme dans ce moment de l'accouchement. La sage-femme qui était venue accoucher ma mère m'avait beaucoup impressionnée. C'était une dame qui devait avoir dans les 40-45 ans. Elle était grande, elle avait une sorte de sérénité. C'était une Guadeloupéenne, ça se passait en Guadeloupe. Elle avait beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et puis, maman avait beaucoup saigné lors de cet accouchement. Et je m'étais donné beaucoup de mal aussi, d'ailleurs, pour l'aider à sauver ma mère. Et ça m'avait beaucoup frappée. j'aurais pu choisir d'être infirmière. À ce moment-là, on avait deux possibilités aux Antilles, ou l'école d'infirmière ou l'école de sage-femme. Et je me suis dit, sage-femme, je pense que c'est ça que j'ai envie. C'est ça que je dois faire, parce que je pourrais aider des femmes comme ma mère, et puis je pourrais être une femme un peu comme celle-là. Jacqueline Manicombe, qui discutait en 1974 avec Jacques Chancel. Dites-nous, Nathalie Sage-Franchère, il y a aussi quelque chose qui dépasse en fait le cadre chronologique. Il y a un regard porté sur les femmes qui seraient plus à même d'être aptes à aider à l'accouchement. Il y a effectivement cette idée d'une sensibilité particulière des femmes à l'accouchement, à la souffrance ressentie potentiellement pendant cet accouchement, aux craintes et en même temps aux grands espoirs que cet événement peut susciter. Ce témoignage de cette sage-femme guadeloupéenne, il est très intéressant parce que il met en scène finalement la mère, la fille et la sage-femme, et qu'en même temps se crée un lien finalement entre ces trois personnages avec une vocation qui naît chez la jeune fille à ce moment-là, qui est en train de voir sa mère accoucher, et qui se dit, moi finalement j'aimerais faire ce que fait la sage-femme, j'aimerais être dans cet accompagnement-là. Et on a là un effet de transmission entre femmes qui a très probablement joué un rôle considérable dans les siècles passés, dans la naissance des vocations. Et il apparaît assez clair que, typiquement, pour revenir à l'exemple d'Angélique du Coudray et de sa nièce qui naît en 1755, donc au moment où Angélique du Coudray, elle, va commencer sa carrière enseignante, cette nièce, elle est présente auprès de sa tante extrêmement tôt, et dès l'âge de 19 ans, en 1774, elle reçoit la survivance de sa tante, c'est-à-dire que par avance, on lui donne finalement un brevet qui lui permettra de continuer à enseigner et à transmettre. Donc on a là aussi finalement une transmission entre femmes, par l'exemple, par la proximité de cette fonction exercée auprès des femmes. Angélique du Coudray meurt en 1794. Alors, il n'y a aucun rapport avec la Révolution. Ça se trouve pendant la Révolution, mais il n'y a pas de rapport. Elle n'est pas du tout persécutée, cette Angélique du Coudray. Même si la Révolution, malgré tout, est un moment de rupture, hein, parce que la Révolution change l'ordre établi dans l'univers médical. Alors, la Révolution, c'est un moment de rupture, parce qu'effectivement, on se met à réfléchir à un nouveau mode d'organisation du corps médical. C'est un temps où on va proposer toute une série de nouveaux projets pour la formation, et c'est surtout un temps où les approches se décantent. Toute la période d'Angélique du Coudray, mais aussi toutes les années 1780 avant la Révolution, ont vu l'expérimentation de toute forme de cours, à la fois des cours itinérants, comme ceux d'Angélique du Coudray, des cours annuels dans le même espace, comme ceux qu'on va trouver dans les années 1780, une première école à Mâcon, avec un internat. Donc, tout ça a été expérimenté, et finalement, la Révolution va servir un petit peu de filtre, parce qu'on a un peu tout tenté, et qu'on commence à voir finalement ce qui fonctionne le mieux. Et la Révolution débouche sur la loi de 1803, sous le Consulat, avec la réorganisation des professions médicales et surtout la réorganisation des formations médicales, dont celle des sages-femmes. Dites-nous, Nathalie Sage-Franchère, quel est l'héritage d'Angélique du Coudray et puis de sa nièce Marguerite Coutenceau? Donc Marguerite Coutenceau qui meurt sous la Restauration, hein, dans les années 1820. Il y a un héritage après dans le métier de sage-femme, dans cette professionnalisation lié à une rémunération, et c'est toujours très important. Le 19e siècle voit les choses évoluer. C'est sans doute une reprise en main par le corps médical, souvent très viril, très masculin. Alors il y a effectivement un héritage, d'abord un héritage très concret dans l'espace bordelais, où Angélique du Coudray s'est retirée pour sa retraite, entre guillemets, en 1783, auprès de sa nièce, Marguerite Coutenceau, et du mari de celle-ci, qui était chirurgien. D'abord, il y a effectivement ce prolongement bordelais d'une manière bien particulière d'envisager l'enseignement des accouchements en mettant au cœur la théorie et surtout la pratique sur mannequin. Puisqu'on a une forme de disjonction au fil du temps entre la maternité qui avait été co-créée par les époux Coutenceau et l'école qui est par la suite restée sous la houlette de Marguerite Coutenceau. On a dans cet espace bordelais la pérennisation d'un enseignement féminin, puisque Marguerite Coutenceau réussit à obtenir en 1823 que ce soit une femme, une de ses élèves, qui lui succède. Au-delà, il y a effectivement un temps particulier qui, du côté de la famille du Coudray-Coutenceau, correspond à cette fin 18e, début 19e siècle, de sages-femmes enseignantes, de sages-femmes qui écrivent, qui publient des ouvrages pédagogiques, quand effectivement, dans le même temps, à Paris, on va avoir une Marianne Boivin qui va faire œuvre de gynécologue, carrément, une Marie-Louise Lachapelle qui enseigne à Paris et qui publie ses observations. Donc, on a un temps de sages-femmes finalement à la pointe de leur art et qui le transmettent. La question de l'héritage, il se fait plus sur le temps long, puisque ce sont des figures qui vont être ressaisies plutôt au XXe siècle, lorsque les sages-femmes vont progressivement se ressaisir finalement de leur histoire à la fin du XXe siècle. Et je pense tout bêtement à la création, au début des années 2000, même au XXIe, donc, de la Société d'histoire de la naissance qui existe encore et qui, si elle se fait sous la houlette d'Yvonne Knibiller, une grande historienne des femmes, rassemble essentiellement des sages-femmes préoccupées de leur propre histoire. Les sages-femmes qui se préoccupent de leur propre histoire, et heureusement, parce que effectivement, bien souvent, c'est par les femmes que le regard est porté sur des métiers qui ont été, on peut le dire, vraiment regardés avec une certaine distance, si ce n'est un certain mépris par les médecins et chirurgiens, alors que la chose a pu être inversée. Vraiment, on peut le dire dans le cas qui nous intéresse, grâce à l'action des femmes elles-mêmes. Alors effectivement, la question des relations entre médecins et sages-femmes est toujours complexe. On s'aperçoit quand on regarde de près que ceux qui sont amenés à travailler ensemble, en général, s'entendent extrêmement bien et se respectent profondément. C'est parfois finalement des figures qui étaient beaucoup plus éloignées de la réalité de la profession qui ont mené aussi cette critique. On a donc une profession qui réussit à se remettre en valeur, aussi parce qu'elle met au cœur finalement de ses objectifs cet accompagnement des femmes tout au long de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, accompagnement qui n'est pas simplement un accompagnement technique, mais qui est aussi profondément un accompagnement du devenir mère. Avec des questions qui nous interpellent encore aujourd'hui, hein, nous sentons que dès qu'il est question de soins, l'histoire fait écho au présent sans cesse, parce que nous restons des humains avec les mêmes questionnements et les mêmes problématiques de corps, que ce soit dans le passé avec Angélique Ducoudray et puis aujourd'hui sur ces questionnements que vous évoquez, Nathalie Sage-Pranchère. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, hein, L'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel, 1786-1917. Juste pour dire pourquoi 1917, cette date de fin pour cette école des sages-femmes, Nathalie Sage-Pranchère? Alors parce que la profession de sage-femme est fusionnée. Auparavant, il y avait deux classes jusqu'en 1916. Août 1916, on fusionne sur le principe de la première classe, c'est-à-dire celle qui a le plus haut niveau, les sages-femmes. Et en 1917, en janvier, on va réformer l'intégralité des études de sage-femme dans ce sens. J'ai donc souhaité m'arrêter finalement à ce point qui refusionne les corps de sage-femmes et fait évoluer leurs études. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, une émission préparée par Anne Toscan-Judès, Marion Dupont, Camille André et une programmation assurée par Amélie Perrault. Demain, dans le cours de l'histoire, nous continuons d'explorer les grandes figures de l'histoire du soin et de la médecine. Oui, demain, nous allons avoir l'Avicenne puisque nous allons parler d'Avicenne. À demain.